Leçon 5. Activités 2 et 3. Page 122. Piste 97. On se dit bientôt au revoir, Alice et Emma. Ça passe vite. Je vais visiter ton beau pays, Nam. Moi, cet été, je passe mes vacances au Canada. C'est un pays très grand et moderne. Et toi, Nam, pourquoi tu vas en Italie? Parce que j'aime les grandes villes comme Rome avec des monuments magnifiques.